Natuurlijk Silos. En de Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, nous allons écouter des musiques de films, des chansons de films, des bandes annonces. On vous parlera d'un film. On ira avec Georges Lautner cette semaine vous parler du Monocle Riz Jaune. N'oubliez pas que Toiles et Sillons, c'est bien sûr à la radio, mais c'est aussi sur Internet. Pour retrouver toutes les anciennes émissions, toilesetsillons.fr pour le podcast, télécharger les émissions ou bien les écouter en streaming. Vous pouvez aussi aimer, liker la page Facebook Toiles et Sillons. On commence avec les années 80. Eddie Murphy explosait avec ce film Le Flic de Beverly Hills. L'une des chansons du film était chantée par Patti LaBelle. Elle s'appelle Stir It Up. C'est parti. Walking on a wire. Patti LaBelle, Steer It Up, extrait du film de Martin Brest, Le flic de Beverly Hills, c'était en 1985. Dans les années 2000, en France, il y a eu un énorme succès du cinéma français qui est devenu un succès international. C'était le film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je vous propose la bande-annonce du film et puis juste après, une version de la valse d'Amélie par Yann Tiersen. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages ? C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa, si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment ? Mais quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai ? Elle se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Et elle, qui va s'en occuper? Je la connais même pas. Mais si, tu la connais. T'as tes rêves. Elle serait pas en train de nous tomber amoureux. Les coups de foudre, ça existe. Est-ce que vous êtes belle, Georgette? Quand vous rougissez. C'est mon aréophagisme. C'est vous? Si, c'est vous, ça. Après Alien la Résurrection. Collignon, t'es canon. Le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie? Il est Didi.

magnifique film de l'allemand Percy Adlan avec les légendes que sont Marianne Sackbrecht, CCH Pounder et bien sûr Jack Palance. Bagdad Café, c'était la chanson du film avec Jovita Steele, Calling You. Le commandant Dromard, escorté de son fidèle second, le sergent Poussin, est envoyé à Hong Kong pour éclaircir et arrêter une série de meurtres et de sabotages qui se succèdent de façon inquiétante dans le personnel et les installations de la recherche atomique mondiale. À peine débarqué, Dromard perd la seule filière dont il dispose, le suspect qu'il piste est assassiné à sa descente d'avion. Les deux agents secrets sont secondés par le correspondant du SR, l'ancien légionnaire L.A. Meyerfisky, et par Frédéric de la Pérouse, attaché au consulat. Malgré tout, il leur faut collaborer avec Sydney, commandant anglais de la police de Hong Kong. En effet, Dromard a découvert que les attentats sont le fait d'un groupe dissident des Taipings qui veut triompher du péril atomique par la violence, et la prochaine action doit faire sauter en rade de Hong Kong un porte-avions atomique américain. Désormais, le commandant et ses adjoints sont traqués par la secte. Ils arrivent par un moyen original à démasquer le maître des assassins, Oscar Hui, un banquier asiatique très considéré, puis à échapper au tueur, Kinabat Kelly. Dromard déjouera, grâce à la diplomatie, le dernier stratagème de Hui, se faire passer pour mort et envoyer son pseudo-cercueil bourré d'explosifs contre le navire américain. Il finit par tuer le chef de la bande et son lieutenant et revient en Europe assez marqué par ses aventures asiatiques. Tout cela a l'air très sérieux, ce serait sans compter sans Georges Lautner, réalisateur du Monocle riz jaune en 1964, avec notamment en tête de distribution Paul Meurice. Georges Lautner nous raconte la participation de Paul Meurice au film. Se prend au jeu et devient notre complice, il accepte de transformer l'histoire. Il travaille avec nous, avec ma jeune équipe, y compris avec Pierre Laroche, qui était un fidèle, enfin je ne sais pas si c'était lui qui était fidèle ou moi qui était fidèle, bref, on travaillait toujours ensemble, et qui avait un esprit très sarcastique. Je veux bien le croire, Laroche faisait partie de l'équipe de Jacques Prévert. Il a sûrement aussi influencé Bertrand Blier. À ce moment-là, il était votre deuxième assistant. Là, oui, les souvenirs sont formidables avec Pierre Laroche, parce que moi j'étais chargé souvent, tu m'envoyais chercher les pages. Tu me disais, va voir si le vieux, il a un peu écrit quelque chose. Et il n'avait rien écrit. Alors j'allais chez lui dans le 15e, il me faisait asseoir. Il me disait, assieds-toi là sur la chaise. Tu viens chercher les pages pour Georges? Je disais, oui, ben on va les faire. Histoire avec son premier monocle. Oui. Histoire extraordinaire à laquelle personne n'a jamais rien compris. Mais je me souviens très bien du tournage. Et je me souviens très bien d'une chose à laquelle j'ai assisté. C'est la naissance de ton style. C'est-à-dire que je t'ai vu inventer Georges Lautner. Vous avez reconnu la voix de Bertrand Blier, qui était assistant de Georges Lautner. On va maintenant écouter un extrait de la bande originale du Monocle riz jaune. La musique était signée Michel Magne. Après la séquence légère du monocle, nous venons de passer dans la grandiloquence de David Lean, magnifié par la musique de Maurice Jarre. Vous aurez bien sûr reconnu le thème de Laurence d'Arabie. On va rester au soleil, on va rester avec des beaux messieurs tout en muscles, puisque nous allons parler d'une célèbre course de chars. Vous avez peut-être reconnu que je parle de Ben-Hur, le film avec Charlton Heston. On va écouter la bande-annonce en version originale de Ben-Hur et puis ensuite la musique, le prélude de Ben-Hur signé Miklos Rosa. Generation after generation of readers have been thrilled by Ben-Hur. No book save the Bible has ever been so widely read. Now, as a motion picture, Ben-Hur has inspired enthusiastic acclaim in every corner of the earth. In New York, in London, in Tokyo, and in Hollywood, the most honored motion picture in Academy Award history. Yes, the spectacle, the color, the excitement, the human drama of Ben-Hur has swept the world. Ben-Hur is many things to many people. It transports you to strange, faraway places, to scenes of pageantry and revelry. Ben-Hur stuns with the impact of its violence and thundering action. Yet, it can lift your spirit to the skies. But with all its spectacle and pageantry, Ben-Hur is a story of people. Their conflicts, their loves. The story of Judah Ben-Hur, the prince who became a slave and dared the evil might of the conqueror. I tell you, the day Rome falls, there will be a shout of freedom such as the world has never heard before. Proud Quintus Arius was a stern enemy. Why did you save me? Yet, when Ben-Hur saved his life, he became a staunch and grateful friend. There was the beautiful Esther, for whose love Ben-Hur defied an empire. There was Messala, the power mad, once Ben-Hur's boyhood friend. Now his deadliest enemy. You kill me and your mother and sister will die today! And there was the lusty Sheik Ilderim, ruler of a wild, exotic land. One way! Oh, one god! That I can understand, but one wife that is not civilized. It is not generous. All that you have read about Ben-Hur, all that you have heard about Ben-Hur, is surpassed by the actuality. Thank you. puisqu'on a parlé de Georges Lautner avec Le Monocle Riz Jaune, un de ses grands succès des années 60. On vient de retrouver Georges Lautner avec un autre film un peu moins connu en 1973, c'était La Valise, avec entre autres Jean-Pierre Mariel et Michel Constantin. La musique était signée Philippe Sard et c'était donc un extrait de La Valise. Le morceau s'appelle Un homme et une girl. Eh bien, on arrive à la fin de ce Toiles et Sillons. Pas tout à fait, mais l'émission va bientôt se terminer. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va se retrouver bien très vite hein, pour un autre numéro de l'émission qui écoute le cinéma avec des chansons, des musiques de films, des bandes annonces et des extraits d'interviews ou de reportages. N'oubliez pas que Toiles et Sillons, c'est aussi sur internet, toilesetsillons.fr, pour le podcast, le streaming ou bien pour télécharger l'émission, et puis la page Facebook Toiles et Sillons pour tout savoir. On se quitte en musique avec un magnifique duo. Barbara Streisand et Louis Armstrong étaient réunis au cinéma pour Hello Dolly. On se quitte avec Hello Dolly et on se retrouve très vite. À bientôt. Salut. Hello, Rudy. Well, hello, Harry. It's so nice to be back home where I belong. You are looking swell, Manny. I can tell, Danny, you're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room swaying for the band. Playing one of my old favorite songs from way back when. So, bridge that gap, fellas, find me an empty lap. Fellas, you're looking great, Stanley.